J'ai mal au cœur car j'ai peur de ne plus être à la hauteur. J'écris mes malheurs intérieurs avec la finesse d'un auteur. Aucune confiance au docteur, donc pour me soigner je crains des textes, je remets en cause l'humanité face à mes milliers de complexes. J'ai mal au cœur quand je vois ce monde en feu se consumer. Je profite de la chance que j'ai sans trop fumer. Si les piliers tombent, je reste debout même sur une jambe. Je reste cloîtré si j'ai pas de sous, donc quand je sors normal que je flambe. Je dors plus les nuits depuis que t'as perdu ton appétit. Ça je te l'ai dit, même Rodi à croire que ma chance c'est d'être triste. J'reste un artiste, celui qui provoque l'émotion. À en croire ma go et mes ex, en amour j'ai peu de notions. Je m'attribue la mention perverse, c'est ce que diront les frigides. Un peu vénère sur ce morceau, donc normal que je sois rigide. Pas le choix dans mon cœur, pas de joie, pas de soi au creux de ma main le rasoir. Comprends pourquoi je te dis qu'une partie de ma vie est rasoir. J'ai mal au cœur, mal au dos et mal au bras. Pas d'embrouille ici en axe, c'est pas loyal, genre le cobra. J'ai plus de pitié, sauf pour les miens, je viens vous embrouiller si ça gêne. Laissez-moi repartir loin dans toutes mes ambiances malsaines. J'ai mal au cœur. Mal au dos et mal au bras. Pas d'embrouille s'il y en a, c'est pas loyal, genre le cobra. J'ai plus de pitié, sauf pour les miens, je vais vous embrouiller si ça gêne. Laissez-moi repartir loin dans toutes mes ambiances malsaines. J'ai mal au cœur, donc sur ce son, je vais gueuler fort. J'en ai ma caque par le progrès, comprends pourquoi je fais pas d'efforts. J'aimerais monter au paradis, ça c'est juste pour me rassurer. Je suis un cancre, mais dis-toi bien que derrière chaque cancre se cache un rusé. J'ai mal au cœur quand je comprends que dans le fond, on ne comprend pas. Cette phase garde là, en cadre là, je te la rappe même à capella. Je ne sais pas rapper, mais au moins, je vide mon sac clair et sec. Si t'aimes pas, c'est claque verbale, à défaut de sortir mon sexe. Je me confie quand je suis seul, car l'être humain me déconcentre. Si je fume le joint, c'est pas pour le fun, il faut bien que je me concentre. J'aperçois mon avenir, et là, la vue me fait défaut. Je t'avoue juste que c'est pénible de se sentir comme un manchot. Quand d'autres folles ont chaud, n'attendent qu'une chose, une dose, pas de pause. Je me reposerai quand sonnera l'heure de l'osmose. Je suis dans le cosmos comme SMO, si tu veux, moi je t'amène. Avec les vrais, je parle aux faux, et leur bande de faux va merde. J'ai mal au cœur, mal au dos et mal au bras. Pas d'embrouiller s'il y en a, c'est pas loyal, genre le cobra. J'ai plus pitié, sauf pour les miens, je viens vous embrouiller si ça gêne. Laissez-moi repartir loin dans toutes mes ambiances malsaines. J'ai mal au cœur, mal au cœur, mal au dos et mal au bras. Pas d'embrouiller s'il y en a, c'est pas loyal, genre le cobra. J'ai plus pitié, sauf pour les miens, je viens vous embrouiller si ça gêne. Laissez-moi repartir loin dans toutes mes ambiances malsaines. J'ai mal au cœur, il est en feu, et je pense que c'est pas fini. Y'a pas de capote, donc on oublie. Donc avec moi, t'as moins de crédit. Si toi l'avenir, tu l'as prédit, dis-moi tout haut ce que tu vois. Je vais devenir maître du délit, pour faire mieux que moi il faut que tu bois. J'ai mal au cœur, putain. Dis pas que je suis ambigu, l'esprit et ses pensées cradingues. J'ai donc sorti l'ambi pur, je ne suis pas fier de ce que je deviens. Donc j'avoue, je me couche tard, j'y pense pas, mais je veux mettre un bon coup de rein dans une cougar. Je viens de nulle part avec des sons qui t'imagent des bouts de ma life. C'est ce que je peux faire, aller plus loin, ça vous rendrait trop malade. Je n'ai confiance qu'en ma famille, c'est grâce à elle que je suis pas errant. J'en comprends pas plus à ma vie et ses putains d'antécédents. Nous sommes des dalleux qui voulons atteindre le nirvana. Si c'est dangereux, toujours partant quand elle me dira non, n'y va pas. Je pars en guerre contre moi-même pour éviter la pente fatale. Pas de blague et pas de time, car c'est la fin du récital. J'ai mal au cœur, mal au dos et mal au bras. Pas d'embrouiller s'il y en a, c'est pas loyal, genre le cobra. J'ai plus pitié, sauf pour les miens, je viens vous embrouiller si ça gêne. Laissez-moi repartir loin dans toutes mes ambiances malsaines. J'ai mal au cœur, mal au dos et mal au bras. Pas d'embrouiller s'il y en a, c'est pas loyal, genre le cobra. J'ai plus pitié, sauf pour les miens, je viens vous embrouiller si ça gêne. Laissez-moi repartir loin dans toutes mes ambiances malsaines.